Ok. Ici c'est pauvre style, les forêts pas. Les lopettes style, moi j'ai mon gobelet sky. Ok, je roule un joint, je bouffe un snack, puis je dors. Dès que j'ai du fric, je dévalise le deep sport. Je fais pas la manche, boy, j'ai trop d'estime. C'est bonnet croco et veste en peau de reptile. Ok, retiens bien que j'ai le pauvre style. Merde, il faut du fric, mais les frérots resting. Ça fait zéro thune, zéro taf égale zéro poufias. T'as vu ma gueule, impossible de serrer une bourgeoise. Quand j'ai envie de me faire lécher les burnes, t'inquiète, j'ai ma carte de réduction, j'ai les putes. Ok, faut que ton move, c'est pas le rap qui va me rapporter des thunes, c'est vrai. L'école c'est chiant, alors on fuck les études. Faire des efforts, maintenant je me dis que j'aurais dû. Mais bon, on se débrouille vu que la rue nous éduque. C'est du chaud, c'est du frais, c'est du nouveau. C'est du bon, c'est du vrai, c'est FLO. Trop souvent je me cache derrière un joint. Avec ça, une seconde pour noyer mon chagrin. Trop de gens se cachent derrière trop de choses. C'est la cafo, c'est sa salle à petite dose. Y'en a qui se cachent derrière leur handicap. C'est comme des bâtards de flics devant une pote qui braque. Faut éviter les faux culs et leur faux sourire. Faut arrêter de te forcer quand tu pètes de rire. J'suis venu m'exercer avec des bêtes de rimes. Ta timidité, tu te la caches en faisant le comique. C'est le petit quête et de retour avec des phrases cosmiques. Un set bien carré avec toutes sortes de conneries. Mon son savoureux, c'est de la gastronomie. Je me cache derrière mes cernes, derrière ma gueule, derrière ma mine. What c'est pas, je suis plus haut que le 7ème étage. Comme c'est par pas de mes tags, j'vois plus loin que la fumée de mes tafs. C'est pas que ma métier que je les connais plus par cœur. C'est pas l'heure d'oublier toutes mes priorités, mes valeurs, mes principes. Les trois quarts du temps, je m'y perds dans mon lit, j'hiberne. Un joint est du bourbon dans le frigidaire. Comme tout le monde, j'ai des buts, mais je les réalise pas. Je suis souvent dans ma bulle et c'est Marie-Jeanne qui te parle. Continue mon chemin et je laisse les autres dire des sottises. Mon rap est méchant, tant pis si je rends leur fils autiste. Mes gros trims, nos vies moquent d'érotisme. Ils laissent pas mes retenir, c'est la monotonie. À peine j'blaze à la sérotonine, fais péter la IA. Que moi et les frères, on arrête de ziar. Ouais, ouais, ouais, c'est Namo, on arrête de ziar, frère. Lasse-moi la porte.